Les dépravés, chapitre 18. Max avait atteint depuis quelques jours ce paroxysme d'inquiétude et de désolation qui n'est pas exempt de calme, tant celui qui souffre de cette situation intolérable est convaincu qu'elle ne peut durer. Il va se produire un phénomène quelconque qui modifiera cet état de choses, se disait-il. Sera-ce une cheminée qui me tombera sur la tête et me fera perdre subitement le souvenir? Sera-ce une paralysie foudroyante? Sera-ce enfin une lettre de Geneviève qui me renseignera sur ce qu'elle est devenue et conséquemment sur ce que je vais devenir? Lorsque le concierge de la maison lui remit la lettre de Geneviève avec ces mots, voici ce qu'un domestique en livrée vient d'apporter pour vous. Max fut pris, en reconnaissant l'écriture, d'un saisissement indéfinissable. Geneviève fait porter sa correspondance par des laquais armoiries, pensa-t-il. Voilà qui est passablement menaçant. « Ah, c'est le domestique de la dame dont elle me parle, » se dit-il, avec un soupir de soulagement, après avoir avalé d'un coup d'œil les quatre lignes que lui adressait sa maîtresse. Il avait toutes les preuves qu'elle s'était outrageusement moquée de lui. Cette boucle d'oreille rapportée ingénument par la femme de chambre, et qu'il avait encore dans sa poche, cette fuite, ou mieux, cette évasion précipitée de Geneviève, se donnant un quart d'heure auparavant comme incapable de tenir sur ses pieds, la certitude où semblait être son père de la trahison de la jeune fille, et jusqu'au dédain du vieux poil de brique, pour la race à laquelle elle appartenait, tout devait lui crier aux oreilles que les arguments contradictoires à opposer à de pareilles évidences ne pouvaient appartenir qu'à un nouvel échafaudage de méprisables casconades. Max ne songea pas un instant à refuser ce rendez-vous. « Enfin, je vais donc avoir une explication, » murmurait-il, en repliant dans ses doigts le billet qu'il plaçait tantôt dans l'autre. Les explications ne lui avaient pas manqué, mais il était décidé à considérer comme catégorique seulement celle que lui fournirait Geneviève et dont elle sortirait plus blanche que jamais. Geneviève aurait offert le rendez-vous sous condition qu'elle n'explique rien, que Max l'eût accepté avec le même empressement. Après 15 jours de séparation, d'exaltation et de solitude, ce n'est plus à l'explication qu'on tient, c'est à la femme. Quand Max retrouva son équilibre, son premier sentiment fut celui de l'humiliation devant la joie folle qui le possédait. « Pas un mot à mon père, » se dit-il, « mon intention étant de ne tenir aucun compte des observations qu'il pourrait me faire. Celui qui doit m'empêcher d'aller demain rue Saint-Maur, Popincourt, au 45, n'est certainement pas encore fondu. » La lettre portait 8 heures du soir. Le lendemain, Max se mit en route à 6h15, sous prétexte que la rue Saint-Maur-Popincourt confinait aux boulevards les plus extérieurs et que la situation topographique lui en était inconnue. Il est vrai que s'il en ignorait le chemin, le cocher de la voiture qu'il prit le connaissait et ne devait guère employer plus de 20 minutes à le parcourir. Mais l'impatience de Max ressemblait à celle des bourgeois fous de spectacle qui se croient obligés d'aller dès 3 heures de l'après-midi faire la queue à la porte d'un théâtre abonné à des recettes de 400 francs. Et il n'était pas encore 7 heures quand la voiture de Max s'arrêta devant la porte d'une maison à tournure décrépite, dont la vétusté se constatait par le mot « portier » peint en bâtarde sur la porte de la loge, où dînait en famille un homme âgé auquel il débita la leçon prescrite. « Je suis attendu au 3e. »« Ah, c'est vous, » fit le portier, qui avait indubitablement été averti. « Très bien. » Personne n'est encore arrivé, mais si vous voulez me suivre, je vous introduirai. Je ne suppose pas que vous restiez longtemps seul. » Le portier monta l'escalier, précédant Max jusqu'à une porte étroite. Il la lui ouvrit et le fit entrer dans une grande pièce, qui ne ressemblait ni à une salle à manger, ni à un salon, ni à une salle d'études, ni à un atelier. Au milieu de la chambre, une table longue, en bois blanc, insuffisamment fixée sur 2x, et au milieu de la table, une lampe suinte en l'huile, ombragée par un abat-jour vert, que les infiltrations graisseuses avaient rendu gris. 7 ou 8 chaises de paille semblaient causées autour de la table, au bas bout de laquelle un encrier était resté ouvert. Au reste, pas un papier, pas un livre, pas de pendule sur la cheminée, aucune installation. Max, laissé seul dans cette espèce de galerie, se mit à arpenter le parquet vermoulu, se demandant par quelle bizarrerie Geneviève avait choisi pour le recevoir un réduit si peu favorable à une causerie intime. Ce dénuement cadrait peu avec la livrée bleue de ciel du domestique porteur de la lettre. Mais l'esprit et le cœur de Max étaient préoccupés à ce point que ses yeux s'habituèrent vite aux singularités du lieu. Dès qu'elle va apparaître, je ne pourrai pas m'empêcher de la prendre entre mes bras et de l'embrasser comme du pain. D'ailleurs, il vaut mieux que je le fasse tout de suite. Si par hasard elle n'est pas sans reproche, je n'aurai plus le droit de l'embrasser après l'aveu de sa culpabilité. Il y a seulement 2 mois, qui m'aurait dit qu'elle m'était si chère et si indispensable? Il est vrai qu'alors je n'étais pas jaloux, et je restais quelquefois 2 ou 3 jours sans mettre le pied chez elle. Il me semble maintenant que je ne la quitterai pas d'une semelle. Laisser une femme seule, quelle aberration! Il repassa à 4 ou 5 reprises consécutives le roman de ses amours, jusqu'à l'heure nébuleuse où il avait vu sa Geneviève étendue inanimée sur la chaussée de la rue Saint-Martin. Il se hâtait de glisser sur cet épisode, origine de tous ses doutes et cause première de la séparation. Après tout, se disait-il, j'ai bien fait semblant d'être à la mort pour la forcer à venir chez moi. Pourquoi n'aurait-elle pas faim de se suicider pour m'obliger à l'épouser? Chacun pour soi, au fait. Après être revenu plusieurs fois sur cette idée qui excusait sa faiblesse, il regarda sa montre, il était 7h10. Il reprit le cours de ses méditations, passant de l'extrême confiance à la plus soupçonneuse inquiétude. Admettons un instant qu'elle est un amant, fit-il, en sentant ses joues réfléchir sous cette pensée. Que lui répondrai-je si elle vient me faire l'ouverture suivante? Quand j'ai compris que la lumière allait se produire sur ma fausse tentative et que je ne serai jamais ta femme, j'ai cédé aux sollicitations d'un autre. Aujourd'hui, je m'aperçois que je ne peux vivre heureux sans toi. Je te reviens repentante et désillusionnée. Il ne sera jamais question de mariage entre nous et je continuerai à t'aimer comme une maîtresse fidèle. Si elle me tient ce langage, me jetterai-je sur elle pour l'étrangler de mes propres mains ou la presserai-je contre mon cœur en mêlant des larmes d'oubli à ses larmes de honte? Max flottait entre 2 solutions, et il allait probablement se décider pour la seconde, quand un coup de sonnerie extrêmement violent et prolongé vint couper court à ses irrésolutions. Il alla vivement à la porte, derrière laquelle, avant d'ouvrir, il eut le temps de percevoir le bruit légèrement cuivré d'une robe de soie qui s'agite. « C'est elle, » fit-il, et le mouvement de son doigt sur la gâchette de la serrure fut arrêté par cette réflexion poignante. Comment vient-elle en costume de soie? Elle est sortie de chez elle vêtue d'un peignoir de laine et elle n'a envoyé chercher aucun de ses effets. Cependant, la main avait été aussi rapide que la pensée. La porte s'ouvrit. Une femme sans chapeau, mais la tête et le visage entièrement couverts par un grand voile de chantilly noir, la taille serrée dans un costume de faille illustré sur fond gris, avec dessin de fleurettes mauves et chaussée de bottines mordorées, vierge de tout contact avec le pavé des rues, entra en marchant impétueusement sur Max, qui avait involontairement reculé. Arrivée à 2 pas de celui qu'elle cherchait, elle enleva d'un geste dégagé la dentelle qui obscurcissait ses traits. Ce n'était pas Geneviève. Elle saisit Max par le bras. Avec une telle audace, elle entraîna si précipitamment vers l'escalier qu'il eut à peine le loisir de reconnaître que l'inconnue était grande, blonde, d'un blond cendré, extrêmement pâle, avec un teint du nord, les yeux d'un bleu turquoise, et qu'elle avait au plus 25 ans. « Ma voiture nous attend. Venez vite ou vous êtes perdu, » lui dit-elle. « Perdu? À propos de quoi perdu ?» fit Max en résistant quelque peu. « Parce qu'avant 5 minutes, vous allez être arrêté. Allons, venez. » « Ah, je suis arrivé trop tard. » En effet, la porte restait entrebâillée, venait de s'ouvrir toute grande, et un groupe noirâtre se tenait sur le seuil. La salle était à peu près complètement noyée dans l'ombre. L'abat-jour placé immédiatement au-dessus du bec de la lampe laissait seulement passer un maigre jet de lumière dans lequel saillit en avant de l'escouade une proéminence entourée d'un arc-en-ciel. La proéminence était un ventre et l'arc-en-ciel l'écharpe d'un commissaire de police dont le reste, perdu dans l'obscurité, demeurait à l'état d'énigme. Cet abdomen tricolore s'exprima ainsi d'une voix qui se faisait grosse pour se donner l'accent convaincu. « Au nom de la loi, je vous arrête. »« Vous m'arrêtez, moi ?» s'écria la dame blonde, dont l'entrée avait précédé de si peu celle du commissaire de police. « Je n'ai pas d'ordre pour vous, madame, » répondit l'abdomen. « Vous pouvez vous retirer. »« Néanmoins, comme peut-être il y aura lieu de vous faire appeler. Vous voudrez bien nous laisser votre adresse. » Oh, monsieur, voyez à quel désagrément vous pouvez m'exposer, fit-elle en rougissant. Soyez tranquille, madame, répliqua l'écharpe. Nous savons être le discret. D'ailleurs, si vous refusiez de nous donner vos noms, prénoms et qualités, nous avons mille moyens de les savoir quand même. Il suffit, je me nomme la comtesse Pizarev. Je loge rue Neuve-les-Mathurins, numéro 6. Si vous croyez que je vous trompe, vous pouvez faire interroger mon cocher, puisque mon coupé est en bas. Nous ne vous demanderons rien de plus, dit le ventre en rentrant dans l'ombre pour faire place à l'étrangère. Laissez passer, madame, vous autres, ajouta-t-il très haut, ce qui indiquait sa présence sur le carré d'une seconde escouade destinée à renforcer la première. Votre innocence est évidente, dit la jeune femme à Max. N'ayez aucune inquiétude, je veillerai sur vous. Et elle sortit fièrement entre la haie des agents, comme une reine qui regagne son carrosse après une revue de ses troupes. Le commissaire de police fit signe à deux de ses hommes qui commencèrent à inventorier des yeux et des mains les moindres objets, regardant sous les chaises, sous la table, sous l'encrier, sous la lampe, puis à deux autres qui se mirent à fouiller Max, à qui la surprise avait ôté jusqu'à l'envie de se rebiffer. On lui enleva son portefeuille, on examina les coins de son mouchoir pour constater à quelles initiales il était marqué. On lui saisit dans la poche extérieure de sa jaquette le billet de Geneviève. Le commissaire de police lut le papier, le retourna pour n'en rien perdre et le serra dans une serviette en cuir noir qu'il portait sous le bras. Maintenant, marchons, dit-il. Max se trouva instantanément entouré d'un état-major d'Argousins, au milieu desquels il descendit les trois étages qui aboutissaient à la rue. Est-ce que je vais me montrer à dehors avec cette escorte? Fut la première impression dont Max se rendit compte d'une façon à peu près lucide. Heureusement, un fiacre attendait devant la porte. Un homme sur le siège et deux dans la voiture. Ce sera assez, dit le chef de la bande noire. Les autres resteront ici au guettage, ajouta-t-il dans l'argot du métier. Max se trouva sans trop savoir comment, assis dans le fiacre, en face de deux êtres moustachus, à chapeau gras, élimés sur les bords. L'Empire a été le paradis de la police. Sous les autres régimes, les côtés inavouables de la profession imprimaient à ceux qui l'exerçaient un certain cachet de modestie. Les arrestations du 2 décembre, exercées sur des notabilités politiques de premier ordre, relevèrent le métier au point que le dernier des sergents de ville finit par se considérer comme le chef de l'État. Le plus grand nombre d'entre eux poussaient la familiarité jusqu'à se tailler la barbe de façon à lui ressembler. Tout semblait dire, en faisant circuler la foule les jours de fête publique, j'aurais pu exercer les fonctions d'ambassadeur ou de référendaire à la Cour des comptes. J'ai préféré celle d'agent de police, comme plus flatteuse, bien que moins lucrative. Les deux curieux qui étaient échus à Max essayèrent de lier conversation avec leurs clients. À cette époque-ci de l'année, il fait déjà bien vilain temps en Angleterre, dit le plus âgé. Max, qui n'avait jamais mis le pied sur le sol anglais, s'abstint de répondre, bien qu'il n'aperçût pas l'intention cachée sous cet aphorisme. Ce mutisme tua dans son germe toute tentative de dialogue, et les trois voyageurs roulèrent silencieusement jusqu'au dépôt de la préfecture de police, où la voiture s'arrêta. Il était trop tard pour obtenir une chambre particulière, et après avoir déclaré à l'employé du greffe ses noms et ceux de ses père et mère, Max fut jeté dans une de ces salles fétides, suintantes et glaciales, qui ont été décrites 100 fois. Il s'y promena toute la nuit, tant pour se réchauffer que pour secouer et débrouiller ses facultés cérébrales engourdies par l'étonnement. Geneviève me donne rendez-vous dans un quartier excentrique et au lieu de Geneviève, c'est une comtesse Pizarev qui m'arrive, suivie à 5 minutes de là par un commissaire de police qui m'arrête. Que peut bien signifier cette charade et que pensera mon père quand il apprendra que je ne suis pas rentré? Tel est le cercle étroit dans lequel tourna son noctambulisme, interrompu à courts intervalles par l'introduction dans la salle où il errait d'une population disparate qui s'y empilait insensiblement, d'une manière inquiétante, pour la respiration et aussi pour l'odorat. Le fils du docteur Rousselot n'éprouvait d'ailleurs aucune crainte sur l'issue de son arrestation. Il croyait un malentendu, à quelque erreur de nom ou de personne, et s'attendait à être rendu à la liberté dès qu'une confrontation quelconque aurait eu lieu. Aussi fut-il désagréablement émotionné quand, au lieu de lui ouvrir les portes du dépôt, on lui ouvrit celle de plusieurs voitures cellulaires dans lesquelles il vit monter successivement ses compagnons de chambrée. Il se disposait à pénétrer, comme eux, dans une de ces boîtes sinistres où les hommes sont rangés comme des dés d'un jeu de dominos. Mais au moment où il levait un pied résigné pour accomplir l'humiliante ascension, il se vit retenu par un gardien qui lui dit: « Pas vous, monsieur, pas vous, on vous a amené une voiture bourgeoise. » Et on lui fit avancer un nouveau fiacre dans lequel il monta flanqué de trois nouveaux agents. Il faut croire que je suis un prisonnier d'importance, pensa-t-il. Ce n'est toujours pas de vol que je suis accusé. Voilà déjà un renseignement. Cette fois, c'est devant le guichet de la prison de Mazas qu'on le fit descendre. Lorsqu'après une nouvelle constatation d'identité, il se trouva en tête-à-tête avec un hamac suspendu dans une cellule de 5 pas de long sur 2 de large, il se demanda si on ne se moquait pas de lui. Cependant, il était toujours sans inquiétude. Le caractère du prisonnier en prévention étant, quel que soit le crime dont on l'accuse, de se sentir presque toujours rassuré. Max avait tant de raisons de se croire victime de quelque quiproquo ridicule qu'il ne pouvait prendre sa détention au sérieux. Vers 9 heures du matin, il eut un véritable accès de gaieté quand on lui apporta la soupe de la maison. C'est probablement l'affreux Mathusalem qui me fournit cette nourriture. Jamais je n'accepterai pour beau-père un homme qui sert à ses gendres des potages aussi détestables, pensa-t-il, après avoir brouillé ses lèvres à la gamelle. Il la reposa presque intacte sur la table et dit, en riant tout, il pourra ajouter ce bouillon-là à la dot de sa fille. En somme, n'était le chagrin d'avoir pas revu Geneviève, qu'il n'osait soupçonner d'avoir participé à son aventure, il n'aurait pas regretté outre mesure d'avoir fait connaissance avec ce fameux Mazas qui, depuis le 2 décembre, semble, dans l'opinion des masses, avoir repris la suite des affaires de la Bastille. Vers 3 heures, un gardien vint ouvrir la porte de sa cellule et en l'invitant à sortir. Est-ce que je suis libre? Demanda Max. Non, pas du tout. Où nous rendons-nous alors? À l'instruction. Je vais donc connaître mon crime, se dit Max. Il eut envie, car en prison bavarderait avec une chaise, de faire part à son gardien de cette circonstance qu'il allait à l'instruction, avec l'idée non de raconter ce qu'il avait fait, mais de l'apprendre. Puis il réfléchit que les malfaiteurs les plus avérés ont l'habitude de se montrer extrêmement surpris quand on les arrête, et il eut peur de laisser cette impression à celui qui l'accompagnait. Il renonça donc à parler de lui-même et se contenta de placer cette question. N'est-ce pas Monsieur Mathusalem qui a entrepris des vivres de la prison? Non, Monsieur Mathusalem n'a eu jusqu'ici que les départements, répondit le gardien, qui regarda immédiatement Max comme un gibier de maison centrale. Celui-ci ne se douta même pas de l'effet produit par sa demande. Il paraît que Mademoiselle Léocadie n'est pour rien à la soupe de ce matin, se contenta-t-il de penser. Il entra au greffe où on le fit asseoir devant une table, de l'autre côté de laquelle était installé un personnage, maigre, osseux, à favoris longs, quoique rares, et à physionomie ascétique. C'était l'homme que de jurisprudence ont décoré du nom baroque de juge d'instruction. Cet instructeur chercha préalablement à s'instruire en faisant porter l'interrogatoire sur les suppositions les plus saugrenues. Il demanda à Max dans quel but il allait à Londres, au moins une fois par mois. Max répondit qu'il n'était jamais allé à Londres, qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'aller à Londres, et qu'il ne savait pas pourquoi on le questionnait sur le but qu'il poursuivait en allant à Londres, puisqu'il n'y avait pas encore mis les pieds. On lui demanda alors s'il était franc-maçon, axiome. Quand un juge d'instruction se trouve en présence d'une accusation qui manque de solidité, il demande à son prévenu s'il est franc-maçon. Max n'était pas franc-maçon. Le magistrat l'interpella alors sur ce fait que sa mère étant d'origine italienne, il devait, lui, Max, parler l'italien au moins aussi correctement que le français. Max déclara que sa mère était née en Touraine, de parents français, que lui, Max, ne connaissait pas un mot d'italien, et que si le juge d'instruction continuait à lui débiter des coq à l'âne de cet ordre, il refuserait une fois pour toutes de répondre. Le tortionnaire, qui n'en était qu'au préliminaire, comprit que l'heure était arrivée d'effrayer Max, et lui signifia qu'il était poursuivi pour avoir fait partie d'une société secrète ayant pour objet de changer la forme du gouvernement existant. La société dont je faisais partie était, en effet, tellement secrète qu'elle ne m'avait même pas dit son secret. Quand un commissaire de police est venu m'arrêter, j'étais seul, dans une maison que je ne connaissais pas, au milieu d'une chambre où je n'étais jamais entré. Mais dans cette maison que vous ne connaissiez pas, vous attendiez des amis que vous connaissiez. J'attendais quelqu'un, mais non des amis. C'est singulier, car ces amis que vous n'attendiez pas sont venus au lieu et place de la personne que vous attendiez. Il serait même oiseux de nous cacher leur nom, car ils sont à peu près tous sous la main de la justice. Sous la main de la justice, dit le juge en regardant Max avec une fixité persistante. Ma foi, si ses amis sont arrêtés, je le regrette, répliqua Max du même ton presque enjoué. Mais comme de ma vie, je n'ai eu le bonheur d'en apercevoir un seul, je ne puis prendre qu'une part relative aux désagréments dont ils sont victimes. Ainsi, vous affirmez ne pas être l'agent de Mazzini chargé de le mettre en communication avec le groupe d'individus que nous recherchons actuellement. Ah, par exemple, fit le jeune homme, Mazzini pourrait se vanter d'avoir mal placé sa confiance. Non, monsieur, non. Si vous croyez réellement tenir un agent de Mazzini, vous avez été induit dans une grossière erreur. Mais alors, nommez-nous la personne qui devait venir vous trouver rue Saint-Maur-Popincourt au 45 à 8h du soir. Max réfléchit que ses amours n'avaient rien de mystérieux et que Geneviève s'était trop notoirement montrée comme sa maîtresse pour songer jamais à se plaindre d'avoir été compromise par ses indiscrétions. Et il répondit « La personne que j'attendais est une femme, ou plutôt ma femme. » « Mais enfin, reprit le juge, redevenant presque un homme, il est particulier, vous en conviendrez vous-même, qu'un jeune homme aussi distingué que vous ait un rendez-vous avec une femme dans un quartier aussi misérable et dans une maison aussi délabrée que celle où vous avez été appréhendé au corps. J'en conviens, dit Max, mais ce n'est pas moi qui choisis le lieu du rendez-vous. J'ai reçu une lettre de Geneviève m'invitant à me trouver hier samedi à 8h rue Saint-Maur-Popincourt au 41 au 3e. Je me suis rendu à 8h au 3e rue Saint-Maur-Popincourt. Je n'ai rien de plus à vous raconter. Vous ne ferez en outre aucune difficulté de reconnaître à quel point il est étrange que l'heure de votre entrevue avec la personne dont vous parlez coïncide exactement avec celle d'une réunion politique tenue dans le même endroit. Il y a là une fatalité tout à fait déplorable. C'est mon opinion, reprit Max, frappé des déductions de son juge, et vous me rendriez un véritable service si vous étiez en mesure de m'expliquer ce singulier concours de circonstances. On a saisi sur moi la lettre qui m'a signé le rendez-vous. Si elle se retrouve, vous pourrez voir par vous-même que la lettre est au dossier, dit le juge instructeur en la tirant d'une chemise en papier gris. Si ce n'est pas là un mot d'ordre que vos amis vous ont donné, c'est un piège que quelqu'un vous a tendu. Ce mot piège fit tressaillir Max. La lettre de Geneviève, un piège, c'était affreux à supposer. Et cependant, c'était possible. Le juge lui lut ce premier interrogatoire qu'il écouta d'une oreille distraite et qu'il signa d'une main machinale. Geneviève l'attirant dans une maison surveillée par la police pour l'y faire arrêter, il n'y avait plus rien au-delà. Une fois rentré dans la cellule, il resta plongé jusqu'au lendemain dans un abîme de méditations plus incohérentes les unes que les autres. Il aurait voulu voir son père. Comment n'avait-il de lui aucune nouvelle? Savait-il seulement son aventure? Comme il allait se tordre de rire quand Max lui apprendrait à qui il était redevable de son incarcération. Car l'affiliation à la société secrète ne pouvait être sérieusement maintenue après les explications qu'il venait de produire. Le seul côté grave de l'incident était la nouvelle trahison de Geneviève. « Le numéro 29 au parloir !» cria la voix d'un gardien. Le numéro 29, c'était lui. On vint le déboucler et, un instant après, il se trouvait en face de la jeune comtesse Pizzareff, l'ange gardien qui lui était apparu un instant à la clarté d'une lampe mal éméchée et qu'il eut quelque peine à reconnaître à travers le double grillage qui les séparait l'un de l'autre. « Me pardonnerez-vous ? » dit la jeune femme un peu confuse. « Je me suis permis de me présenter à la préfecture comme votre cousine et j'ai pu obtenir l'autorisation de vous voir. » « De m'apercevoir, tout au plus, » répondit Max. « Ce treillis est serré comme un masque d'armes. Et si vos traits ne s'étaient pas instantanément gravés dans ma mémoire, lorsque vous... »« Pardon, monsieur, » interrompit l'étrangère, avec la vivacité d'une femme blessée, de ce ton quelque peu cavalier. « Je ne serais certainement pas venu si j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer et au besoin un témoignage à vous offrir. Votre arrestation, j'en ai l'assurance à cette heure, n'aura aucune suite fâcheuse. » Le hasard m'a mis au courant de la basse vengeance dont vous êtes aujourd'hui victime. Si l'affaire prenait une tournure inquiétante, n'hésitez pas à me faire appeler. Je révélerai toute l'intrigue. Je commence en effet à soupçonner qu'il y a contre moi, de la part de quelqu'un, Un acharnement prémédité, répliqua le jeune homme, un peu humilié devant une jolie femme de la naïveté avec laquelle il avait donné dans le panneau. Heureusement, ajouta-t-il, le plus puni n'est pas celui qu'on pense, car les ennuis de la prison sont largement compensés par les surprises du parloir. Monsieur, je vous en supplie, il y a là des gardiens, murmura la comtesse au comble de l'embarras. Elle parut renoncer à reprendre la conversation, et après un moment de silence mutuel, elle dit à Max: Ma visite est terminée. Vous souffrirez que je me retire. Vous reviendrez demain, n'est-ce pas, ma cousine? Qui sait si vous ne serez pas mise en liberté aujourd'hui même? Ce ne serait pas une raison pour ne plus vous revoir. Me revoir, à quoi bon, puisque vous n'auriez plus besoin de moi? Un instant alors. Si une fois dehors, je dois vous perdre, je suis capable de m'avouer coupable pour rester toute ma vie dans les fers. Monsieur, je vous salue, fut la seule réponse que ce dernier Lazzi reçut de la jeune femme, qui s'éloigna d'un pas sévère, comme dit la ronde du Brésilien. Fin.